Des messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, plein de bonnes choses. Et je vais commencer par vous annoncer qu'on a un spécial d'une heure sur la formation norvégienne Curse Pink avec la participation du guitariste et flûtiste Harald Limtomt, le seul membre original d'ailleurs de la formation. Et puis, c'est ça, une bonne heure à partir de 9h30 donc jusqu'à 10h30. 22h30, si vous préférez. Curse Pink en vedette. Et puis, pour notre premier bloc, ce soir, on commence avec des vieux routiers, Saga, qui nous arrive avec un 22e album studio qui a pour titre Symétrie. C'est en quelque sorte un résumé, parce que le groupe revisite plusieurs pièces de leur album, et je sais que ça va peut-être déplaire, l'idée va peut-être déplaire à certains, mais je peux vous assurer une chose, l'album est vraiment bon, et il a pour titre Symétrie. Ce sera suivi d'un guitariste norvégien, Anders Boas, et de son album Avenir Terro, et après ça, on va faire un petit tour du côté de l'Italie avec Stefano Panunzi, de son troisième album qui va paraître le 26 mars, Beyond the Illusion. On remarque quelques invités spéciaux, dont Tim Bonus et Kevin Harrison. Ce sera suivi de la formation norvégienne Matterhorn et de leur premier essai Outside. Et on va boucler avec Time Heaven Club, une formation originaire de Sicile. Premier album Gathered at Dusk. Et puis, évidemment, je vous rappelle encore qu'à 21h30, on a notre spécial Curse Pink, formation norvégienne des années 70, qui a lancé dernièrement un tout nouvel album, et on aura le guitariste Harald Limtomt comme invité. Eh bien, on y va avec Saga de leur tout nouvel album. Ourselves we could have saved. sleeping world, just waiting. Tired mother. Thank you. soothing sound. No external sound present. Roaring, clicking, hissing in my ears. White voices, white sound. Cause it breaks me down. It's not if you can hear it. Can you hear? It's all in your heart. La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Comme je vous le disais tantôt, on a le plaisir pour cette émission de vous offrir un spécial Curse Pink, la légendaire formation norvégienne formée au début des années 70. Et pour nous présenter ces pièces, on a un des membres fondateurs du groupe, Harald Limtoft. Okay, je lui cède la parole tout de suite. I want to welcome you to this special edition of Terra Incognita radio show, which will present the Norwegian band Curse Pink. And it is Harald Lytom from Curse Pink speaking. I have been a member of this band since 1974 and still is. After our first single from 1979, our debut album was released in 1980. Here is the final track called Avsked. Thank you. The next album, Melomos, was released in 1981 and included a few new members. The chosen track is called Østen for Ord. When I wrote the main theme, I want it to be played as a trio, as a rush. Here is Østen for Ord. Thank you. In the late 80s, we got a deal with the French label Musea. Curse Pink's first contribution was a track for the sampler, 7 Days of Our Life. At this time, Per Øyvind Nordberg had become a member of the band. He and I wrote the most of the songs for the concept album A Journey on the Inside, released in 1993. This track is called Rubicon. after the release of Our Journey on the Inside, the band disbanded, but I kept making new songs. The next Curse Pink album was supposed to be a solo album, but since many ex-Curse Pink members played on it, Art of Complex Simplicity was released as a Curse Pink album in 1997. This is Linger a Bit Longer. Won't you linger a bit longer? Let me see your precious smile. Lock me into sweet embraces. Let our time stand still a I'm not afraid to Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Et on poursuit notre spécial sur la formation norvégienne Curse Pink avec Harald Litomt. Curse Pink regrouped in 1998 with two keyboard players and just me on guitar. The album was called Tidings and was released in 2002 and contained 6 long songs. This lineup held together for 5 years. Here is Mystic Dream. Dancing is always on Friday, you're right on my toe. Here comes the sun, overload, oh lightning, Friday. Supreme man. Am I right or wrong? Texas may do anything. Boy, it's exactly to my taste. If you be so kind, you see how this new fashion tunes. Stop, Lily, stop, Lily. Look at fascist caged in leather. Oh, some beating on my heart. I'm waiting for my heaven. Starring in my film. Sun. 2007, Curse Pink regrouped again, now just me as the only original member. At this time, I had written many new songs. I gathered new musicians and went to the studio and recorded the new songs. The album, called Mystic Spirit, was released in 2013. Here is The Storm. Oh, Our new album, Presence of Life, was released in March this year and have the same members as Mystic Spirit, in addition of one more keyboard player and guitarist. Curse Pink still including the vocalist Eirik Haugsson, who has made a very valuable contribution to the album. Let me present Away from Shadows from the new Presence of Life. Thank you. Curse Pink released a ballad called Luna as a single in advance of the new album, our first single since 1979. Originally a tune I made for the baptism of my grandchild. Eiriku rewrote the lyrics and here it is, Luna. Thanks a lot to you people who have listened to this special Curse Pink Terra Incognita radio show, hoping for better times ahead. Salut, ici David Rocketship. Je suis accompagné de Patrick Anctil. Et on vous invite à écouter Fréquence d'Outre-Tombe les lundis soirs à 23h sur CKRL 89.1, où on vous raconte des histoires effrayantes. Où on partage les témoignages paranormaux de nos auditeurs. Parce qu'en ces temps difficiles, on a besoin de... D'amour? Non, c'est pas ça que je cherche. On a besoin de... D'espoir, c'est ça? Non. Ah, je sais. On a besoin... D'horreur! La vaccination contre la COVID-19 est en cours pour les groupes prioritaires. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Au besoin, vous pouvez téléphoner au 1-877-644-4545. Après avoir reçu le vaccin, vous devez continuer de vous protéger en respectant les consignes sanitaires de base. C'est important. Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger. Un message du gouvernement du Québec. Et pour notre section coup d'œil dans le rétroviseur, on va y aller avec, en tout premier lieu, Stuart Bell, membre du groupe Citizen Kane. D'ailleurs, le disque est apparu sous le nom de Citizen Kane's Stuart Bell. Il s'agit de l'album The Antechamber of Being, Part 1, paru en 2014 avec notamment comme invité Simone Rossetti de The Watch et Ariane Lucassen de Arian. Ce sera suivi d'un magnifique extrait d'un groupe italien qui a pour nom H2O de l'album Dew, paru en 2001. Le groupe avait présenté aussi un autre album en 1997. Malheureusement, on n'a pas de nouvelles depuis 2001, car c'est dommage parce que le groupe est vraiment bon. Et bien, ça va être ça. On y va avec Stuart Bell, The Antechamber of Being, Part 1. That we choose. Eh bien, c'est déjà le temps de vous quitter. C'était Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On poursuit en musique. Il nous reste quand même une dernière pièce. Et ce sera un groupe originaire du pays de Galles, Multistory. Certains vont se rappeler de leur album paru en 1985, East West. Le groupe a connu une période d'accalmie, mais là, il revient depuis un bout. On est en 2016 avec cet album qui a pour nom Crimson Stone. Et puis, ben, écoutez, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, mais restez des nôtres. L'autoroute suit dans quelques instants. Bonne nuit à notre écoute. Chariots of gold. Born arrow of hope. Don't open my door. Don't open my door. Curse you forever. Cette émission est disponible en balado-diffusion. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Être incomplète, sans cesse, mais ne jamais vouloir le rester. Refuser sa condition. Vouloir se remplir. Apprendre. Agir. S'affirmer. Avoir l'humilité d'assumer. Les incomplètes. Berce-moi les pieds dans l'eau. Une belle façon d'en savoir plus sur ce collectif de Québec. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il y avait quelque chose de vraiment riche pour les performeurs, là, tu sais, les comédiens, les gens qui s'invitaient, les gens du public qui venaient s'asseoir avec nous, qui participaient. Tout d'un coup, ils devenaient acteurs, là, comme nous, finalement. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. C'est vraiment de célébrer le territoire et les gens qui l'habitent. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est orange. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences privées sont interdits et les déplacements vers d'autres régions sont à éviter. De plus, en zone orange, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Ampli de Québec,